Tu te donnes un voyage qu'un nous en ballon. Et si j'en dis nous espérer rencontrer nous. Sans jamais parler nous peut recréer l'amour. Et si musique besoin l'amour.